Chapitre 11e. Comme je m'y attendais, j'ai passé une nuit exécrable. Entre les souvenirs des années 60 et la pénible digestion des écrevisses et du chaos, j'étais mal barré dès le départ. J'ai recommencé à remonter la longue liste de mes actes manqués, à me poser des questions sur la vanité des choses et des gens, à faire le compte de mes peurs. Vivrai-je assez vieux pour voir Lisa mariée et lancée dans la vie? Ne devrais-je pas m'arrêter tout de suite pour profiter du temps qui me reste? Pourquoi j'étais choisi un boulot de merde? Est-ce que je rends Gilda heureuse? Certainement pas. Et pâte un coup fin tout le pastis habituel des examens de conscience foireux. Gilda m'a laissé dormir jusqu'à 10h30. Maintenant j'éprouve un sentiment de culpabilité et essaie de rattraper le temps perdu. Je me fais confier quelques courses, histoire de dire que je sers à quelque chose, et descends au Super U dans un brouillard migraineux. Le réflexe professionnel reprend le dessus et tout en conduisant, je repense à l'affaire du serpent. Je suis certain que le suicide du père Baume et la mort accidentelle, ou pas, de Marlène sont au cœur du problème. Si seulement j'arrivais à avoir des infos là-dessus, je ne serais pas obligé d'attendre celle de Louis, forcément postérieure à l'interrogatoire de Sarah par le juge. En remontant, je fais une halte à l'espérance pour essayer de questionner Valérie. Elle doit bien savoir ce qui est arrivé à son oncle, même s'il était gamine à l'époque. Au milieu de la cour du centre de post-cure, une espèce de paix m'envahit, et pour renforcer ce sentiment, le père Francis vient à ma rencontre et m'étreint la main en scrutant mon âme de ses yeux bleus. « Vous allez bien, mon fils ? » fait-il sur un ton évident de doute. « Oui, oui, je viens voir Valérie. »« Alors cherchez, et vous trouverez. » Ce type a le don de me troubler au plus haut point. Peut-être ai-je besoin tout simplement de spiritualité, à moins que je ne commence à perdre la boule. Et si je faisais un petit stage ici avec les fatigués du carafon ? Peut-être que je suis plus frappadin que je ne le crois. Je trouve Valérie dans le pré à l'arrière du centre, allongée sur le dos au soleil, les bras en croix, les yeux fermés. Pris d'une soudaine inspiration, je m'allonge moi aussi à ses côtés, dans la même position qu'elle, étends mon bras et lui prends la main. Valérie ressort un peu ses doigts, soupire lentement d'aise et se tait. Nous restons ainsi 5 bonnes minutes, sous le rouge de nos paupières chaudes. C'est bon, hein ? Finit-elle par murmurer. « Tu sens l'énergie qui circule ? » ?»« Oui. »« Ah, c'est vous, commissaire, » me répond-elle sans bouger ni ouvrir les yeux. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Tout en gardant les yeux fermés, je lui demande tout de go si elle sait pourquoi son oncle s'est suicidé. « Ouh, c'est de l'histoire ancienne. »« Mais pourquoi avez-vous besoin de savoir ça ? » ?»« Répondez-moi, je vous expliquerai plus tard, » lui dis-je sans lui lâcher la main. C'est effectivement une longue histoire que me raconte Valérie, mais je vais essayer, lecteur, de t'en faire un digest. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Baum, d'origine juive, étaient établis à Montpellier, où David Baum possédait avec son frère Simon une affaire prospère de tournerie de pièces mécaniques. Dès 1940, averti par des parents polonais de ce qu'attendaient les juifs, toute la famille Baum émigra vers le Maroc, où les deux frères ouvrirent un atelier de mécanique à Tanger. Atelier qui devint vite une affaire qui tournait bien, c'est le cas de le dire. Mais en 1955, dès les négociations d'indépendance de Selles-Saint-Cloud, les Baum, sentant le vent tourner, vendent leur affaire un bon prix à un Marocain et se rapatrient à Béziers. Là, les choses deviennent un peu plus difficiles. Les frères Baum se disputent et Simon va s'établir à Marseille, où naît Valérie. David, lui, rachète la part d'un des 4 associés d'une usine de bas au Vigan. En raison de ses compétences mécaniques, il prend rapidement la direction de la production de l'usine, les autres associés se contentant de toucher les dividendes, moyennant un salaire versé à Baum. Ses 2 filles allaient au lycée, la famille s'était intégrée à la vie de la bourgade, et tout aurait pu continuer dans la sérénité la plus parfaite. C'était sans compter avec la résurrection du monstre qui n'était qu'en sommeil, le vieil antisémitisme associé à sa copine la calomnie, qui désignèrent Baum comme quelqu'un dont la réussite n'était certainement pas due à ses compétences. Eh oui, il y en a qui sont passés au travers, ma bonne dame. On n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Voilà ce qui commence à se murmurer dans les ruelles étroites du Vigan, les jours de marché, bien que David Baum, grand, mince, roux aux yeux verts, ressemblât à un parfait arien originaire de Bavière. Les mauvaises langues étaient donc bien renseignées. Le bas de soie déclinant à la vitesse grand V, Baum fut accusé, d'une part, de produire de la mauvaise qualité, d'autre part, de le faire intentionnellement pour saborder l'affaire, la racheter en sous-main et implanter un complexe tout nylon. Le conseiller d'administration commença à lui réduire son salaire à sa plus simple expression, exigea qu'il rachetât les parts au prix fort pour continuer tout seul ou qu'il se démette, s'il n'avait pas les reins assez solides. La vérité était que Baum, à plusieurs reprises, avait alerté ses associés sur la mort du bas de soie et sur l'imminence d'une reconversion obligée de l'usine vers le nylon. On l'accusait alors que l'entreprise n'avait justement survécu qu'en raison de la qualité irréprochable des bas Baum. Dans quelle mesure le cobra était-il responsable des bruits calomnieux répandus sur David Baum? Acculé par ses dettes, étenaillé par le souvenir de ses parents et co-religionnaires partis en fumée vers l'éternel, David Baum régla ses affaires en secret pour assurer à sa femme et à ses deux filles de quoi vivre, puis sauta sans regret par-dessus le parapet du pont sur l'Aar, dans lequel il ne mourut pas noyé, mais la tête et la colonne vertébrale fracassées. Il laissa un billet dans lequel il faisait ses adieux aux siens et concluait par cette phrase « J'aurais encore préféré que ce soit les nazis qui aient ma peau. J'ai toujours su que j'étais un mort en sursis. » « Qu'est-ce qu'en a pensé votre cousine ?»« Je ne sais pas vraiment. » Elle est très secrète, et c'est difficile de la faire s'exprimer. Vous savez, je ne l'ai vraiment connue que quand j'ai eu 18 ans. Je crois qu'au début, elle en a terriblement voulu à son père de les avoir abandonnés. Elle idolâtrait mon oncle, et elle considérait son suicide comme une trahison. Puis avec le temps, elle m'a dit un jour que son père était l'homme le plus honnête, le plus travailleur et le plus courageux du monde. Il ne s'est pas suicidé, mais en décidant sa mort, il a eu le courage de se laisser tuer par la société, comme ses parents ont été vers la mort à Auschwitz. Un jour, il faudra que certains payent pour ce crime, comme pour les autres. Voilà ce qu'elle m'a crié un jour à la belle la colère. Vous pensez qu'elle éprouve de la rancune vis-à-vis des habitants d'ici? C'est pas. Moi, en tout cas, j'en aurais éprouvé, si j'avais été à sa place. Mon père s'en est beaucoup voulu d'avoir abandonné son frère. Toujours les yeux fermés dans la lumière de ce midi qui approche, je serre un peu plus la main de Valérie. Et pour Marlène, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ça aussi, ça vous intéresse? Vous savez, les informations qui ont circulé dans la famille sont assez vagues. Une chose est sûre, c'est que Marlène a été poussée dans l'eau. Sarah me l'a dit. Sa source s'est débattue et quand ils ont compris qu'elle se trouvait mal et l'ont remontée sur la berge, il était déjà trop tard. Quand les secours sont arrivés, ses copains, abrutis, étaient là tout autour d'elle comme devant une poupée cassée. Elle n'est pas morte de noyade, mais d'un arrêt cardiaque. Ça s'est passé au bord de l'Aar, un endroit où il y a une pensière qui permet de pouvoir nager un peu. Et Sarah, comment a-t-elle pris ce drame? Ah, mon pauvre! Marlène, c'est un peu comme sa jumelle. Quand elle a compris que sa sœur était morte, Sarah a voulu courir au pont sur l'Aar pour faire comme son père, mais Max l'en a empêché. Ah, et c'est qui, Max? Ben, c'est son mari, enfin, celui dont elle s'est séparée. Il faisait partie de la bande, je n'en sais rien. Il est plus âgé que Sarah, et je crois qu'à cette époque, il n'était déjà plus au lycée. Alors je ne pense pas qu'elle ait fait partie de la bande du Cobra. Nous restons silencieux tous les deux quelques secondes, puis je sens que Valérie tire sur mon bras. Et je perçois ensuite son souffle chaud près de mon oreille. Je commence à respirer son parfum, je n'ouvre pas les yeux, attendant ce qui va suivre avec un plaisir mêlé de curiosité. Elle serre toujours ma main. « Alors, me fait-elle, vous avez senti l'énergie dans les mains ?» Elle murmure à peine à mon oreille et je comprends qu'elle a dû se tourner et s'allonger à plat ventre à côté de moi. Oui, je me sens moins fatigué. J'ai eu l'impression que par un simple toucher de la main, j'entrais en contact avec votre corps tout entier. C'était comme si vous étiez allongé sur moi, mais je crois que c'était dû à la chaleur du soleil. Non, ce n'est pas le soleil. C'est exactement ce que ça fait à chaque fois. Enfin... il y en a qui ne sentent absolument rien, mais vous, vous êtes réceptif. Moi, j'ai ressenti la même chose dans tout le corps. Et ça ne vous a pas donné envie? Non, pas vraiment, désolé. Moi, si. Mais si vous m'aviez touché, j'aurais appelé à l'aide, fait-elle en riant. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. 10 secondes plus tard, d'une voix plus angoissée, elle me demande « Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à Sarah ?» Elle est venue tout à l'heure et m'a dit qu'elle était convoquée par le juge après-demain. Je n'ai jamais vu aussi énervée, elle était hors d'elle. Le juge va l'interroger, c'est tout, ne vous inquiétez pas, En revanche, si elle s'obstine à ne pas répondre à ses questions, elle peut avoir des ennuis. C'est bien ce que je lui ai dit, mais je l'ai senti complètement paniqué. Si vous saviez comme il me tarde de foutre le camp. Je sens ici des mauvaises ondes, et je crois qu'il vaut mieux pour moi que j'aille respirer ailleurs. Finalement, j'ouvre les yeux et je sens dans son regard une réelle tension. Je m'allonge à plat ventre à côté d'elle et reprends sa main. Valérie, il ne faut pas s'inquiéter, à moins que vous sachiez les choses que vous m'avez cachées. Mais non, je ne sais rien de plus que ce que je vous ai dit. Et si j'ai bien compris, vous soupçonnez sérieusement ma cousine d'avoir escagassé les deux cagoles. Mais je suis sûr qu'elle est incapable d'avoir fait ça. Moi aussi, dis-je pour la rassurer. Oulala, midi déjà, il faut que je remonte, sinon je vais me faire écharper. Allez, bisous, et si je sais des choses, je vous tiendrai au courant. Je me carpate vite fait et bondis dans ma méharie. Cet entretien m'a laissé un drôle de goût dans la bouche. Valérie m'a étonné par sa sensualité cachée et par ailleurs, ses inquiétudes tendent à prouver qu'elle n'est pas aussi persuadée qu'elle le dit de la totale innocence de Sarah. Je n'ai pas osé poser des questions sur les relations actuelles avec le mari, mais il faudra bien que j'en sache plus long sur ce sujet. Gilda m'interpelle dès ma descente de voiture. « Vente de pétan, où étais-tu passé? Tu les as fabriqués ou quoi, ces raviolis? Allez, boulègue, qu'on va encore manger à une heure passée. Après, le temps que monsieur fasse sa sieste, c'est l'heure de l'apéro du soir. Tu as vu ma mère? Non, j'ai été voir Valérie pour lui poser quelques questions. Allez, Valérie, maintenant. Dès qu'il y en a une dans le secteur, il faut que tu te précipites dessus. Mais non, ne commence pas à me nifler avec ça. Tu sais tout ce que je fais pour te conquérir et te garder. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en ont fait autant pour la femme qu'ils aiment. Alors garde un peu les pieds sur terre et trouve autre chose pour passer tes nerfs, ok ?»« Bon, ça va, n'en fais pas un plat non plus. J'attends que mes ragnagnas et ça me rend nerveuse. »« Ouais, je vois. Au repas, je vous raconterai à tous ce que j'ai appris. Ça m'évitera de répéter la messe plusieurs fois. » Juste avant de passer à table, Paula nous fait l'honneur d'une visite dans le splendide cabriolet de Louis. « Y a un petit quelque chose à becquer pour moi » fait-elle tout en se déplaçant avec son déhanchement de star. « Tu as largué ton boulet ?» fait Gilda, d'un ton peu amène. Il est débordé, le pauvre. Ce matin, un type est venu témoigner et je crois qu'ils sont restés plus d'une heure ensemble. Cet après-midi, il va chez le juge, et moi, dans cet appartement sombre, je ne me supporte plus. Encore, quand j'ai quelque chose à faire, ça va, mais sinon c'est l'un triste avec ses meubles qui datent de l'empèbre. Je ne vois pas pourquoi tu vas t'enquister là-dedans, alors. « Mais, ma fille, je ne t'ai jamais dit que j'allais rester dans cet appartement. Ah bon ?» Tout en mangeant, je relate succinctement ma conversation avec Valérie, en omettant bien sûr la position et la prise de main magnétique qui nous ont unis. J'insiste sur le fait que le père Baume a été victime d'une sournoise cabale anti-judéo-maçonnique, probablement orchestrée par le Cobra et qui, ajouté aux dettes, l'a poussé au suicide. Quant à la sœur de Sarah, les causes exactes de sa mort sont encore un peu floues. Je mentionne aussi au passage la présence sur les lieux ce jour-là du mari de Sarah, Max, sur lequel je n'en sais pas plus. Chacun m'a écouté avec attention et réfléchi dans son coin. Quand même, fait Paula, c'est moche tout ça. Passer à travers les grilles de la Gestapo pour aller finir par s'escagasser un beau jour dans la rivière, quel drôle de destin. Ce qui n'est pas drôle, c'est la connerie des gens, maladie intemporelle et incurable. Et la mère, qu'est-ce qu'elle est devenue? Nous savons qu'elle est décédée, mais comment? Si je comprends bien, Marlène est morte sous les yeux de sa sœur. Ça a dû être terrible. Vengeance, peut-être. La vengeance du cobra. Mystère, mystère. Je lâche sur le ton de la confidence. Serge, qui n'a rien dit jusque-là, réagit. Tu laisses entendre que le cobra, c'est Sarah, et que les meurtres sont les fruits de sa vengeance. Et pourquoi pas? On va bien voir ce que le juge va pouvoir en tirer. Ouais? À condition que Louis veuille bien nous en dire quelque chose. Le secret de l'instruction pour un gendarme, c'est pas de la tarte. L'après-midi, pendant que les quatre autres sont à la rivière, je décide de rattraper ma nuit par un sérieux penquet sur un lit de camp sous les platanes. Bientôt, le calme et la douceur du lieu ont sur moi l'effet attendu. Je sombre doucettement dans un début de sommeil réparateur. Mais le peu d'instinct animal que les hommes conservent me fait pressentir une présence non loin de moi. Tous mes sens me revenant, ce sentiment se précise et se confirme. J'ouvre un œil juste à temps pour voir une ombre filer et disparaître derrière le coin de la maison. Je bondis hors de mon lit de camp pour courir après. J'ai juste le temps d'apercevoir une femme, à n'en pas douter, qui court et franchit avec l'agilité d'un singe les faïences qui commencent à fond du jardin. J'ai le temps de remarquer qu'elle porte un bob sur la tête, un jean et des tennis. Je m'élance à sa poursuite, mais au bout d'une dizaine de mètres, je comprends vite qu'elle court bien plus vite que moi. « Tu manques d'entraînement, petit frère !» J'en suis là de mes réflexions, quand une douleur terrible frappe l'arrière de ma tête. Je m'affaisse sur les genoux, puis bascule doucement sur le côté. Mon champ de vision se rétrécit rapidement. Ma tête repose maintenant sur l'herbe rase. J'ai juste le temps d'apercevoir des pantalons kaki avec dessous deux godillots usagés. Puis c'est le noir complet et l'oubli.